Moi pas qu'à comprendre yo qu'a dit en nos bêtises. Je sais yo qu'a dit moi si mauvais. Je ne comprends pas, ils disent tant de bêtises. Mais c'est qu'ils disent que je suis mauvais. Disent que je suis mauvais. Disent que je suis mauvais. Seule à vivre notre amour, mais toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour me faire l'amour. Je suis pas une femme déjà. Si je pars, je fais plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. C'est à moi qui va bon. Et pourtant, c'est moi ou l'est. Moi, ni l'amour, ma la douée. C'est moi qui m'en vais. Il dit qu'il ne peut pas finir sans moi. Les mon cœur il résiste. C'est pourtant c'est où il veut. Oh non. Un amour rempli de maladresse. C'est moi qui t'a campagne. Il dit qu'il est mauvais. Moi pas si mauvais. Je t'aime fort mais à sa sens unique. Où sont ces moments où j'étais table magique. Je perds mon cœur sans toi. J'ai tout misé sur toi. On m'a saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune. Dis-moi, pardon, c'est un mot qui va bon. C'est pourtant, c'est moi ou l'est. Moi, ni l'amour, ma la douée. Ou qu'a flairé, yo, t'as dit, c'est moi qui m'en vais. Il dit qu'il ne fait pas finir sans moi. Mais mon cœur, il résiste. C'est pourtant, c'est où il veut. Oh non. Un amour rempli de maladresse. On te qui pas cachande, dis-moi si l'on mouvement pour moi pêche à virer. C'est l'on mou qui cachappe, on te qui pas cachande. On sait le bagage, on laisse où pour m'arrêter. Un amour prêt à faner, un cœur qui veut déserter. Est-ce que l'amour est mort pour que mes pieds avancent? Un amour prêt à faner, un cœur qui veut déserter. Rien qu'à un tout c'est bébé que m'y va rester. Dis-moi ma femme, mérito, c'est à moi qui va vous. Et pourtant c'est moi ou l'est. Moi ni l'on mou, moi la douée. Il dit qu'il ne peut pas finir sans moi. Mais mon cœur il résiste. C'est pourtant si on y va. Oh non. Un amour rempli de maladresse. C'est moi qui te cabane. Il dit qu'il est mauvais. Moi pas si c'est à moi qui pas bon, et pourtant c'est moi ou l'est. Moi ni l'amour ma la douée. Ou qu'a plairé yo qu'a dit c'est moi qui m'en vais. Il dit qu'il peut pas finir sans moi. Mais mon cœur il résiste. C'est pourtant c'est où il veut. Oh non. Un amour rempli de maladresse. C'est moi qui te la campagne. Il dit qu'il est mauvais. Moi pas si mauvais.